Je sais que tu m'en veux de ne jamais écrire, que je réponds chaque fois que je ne sais pas quoi dire. Alors tu t'enfermes un peu, tu sens monter la peur, car tu crois que je m'en fous, que je renferme mon cœur. Que je renferme mon cœur. Je déchire des feuilles pour montrer mon amour. Plus j'essaye, plus j'ai peur que tu partes un beau jour. Mais mon amour, tu es là et tu crois en moi si fort que je me bats pour ta joie, que notre vie dure encore. J'ai rattrapé le fil le jour où l'on s'est connu. Je ne savais plus quoi faire, tu sais, j'étais perdu. La chaleur de tes bras a fait repartir mon cœur. Une journée loin de toi ralentit mon bonheur. Allez, viens, on part. Laissons la vie qui nous dévore, allons vivre notre histoire. La musique, l'amour, oublieront les ennuis. Allez, viens, on part. Je te montre mon paradis. Car désormais tes doutes qui te bouffent de jour en jour, c'est en ces quelques mots que je te prouve mon amour. Et si tu refuses encore de croire ce que j'ai pu dire, de croire que ma vie c'est avec toi que je veux la vivre, je te prends dans mes bras, la plus belle chose que je puisse faire. Tu vois bien que devant toi le sens de mes mots se perd. J'espère qu'un jour je pourrai te montrer autrement, et que tout notre amour se conclura par un enfant. Même si je m'échappe dans un monde imaginaire qui ne te plaît pas, j'essaye tout de même d'avoir l'air à l'homme de ta vie, à celui qui te protège, qui efface tes ennuis et oublie tous tes malaises. De ce monde avare qui voudrait te mettre à genoux, mais moi je garde l'espoir et la force de notre amour. Allez mon ange, ferme les yeux et regarde le chemin qui s'ouvre sur notre vie à deux, donne-moi la main. Allez, viens, on part. Laissons la vie qui nous dévore, allons vivre notre histoire. La musique, l'amour, oublieront les ennuis. Allez, viens, on part. Je te montre mon paradis. Même si je dépasse un peu, que je manque de tact, et que bien plus d'une fois j'aurais mieux fait de prendre des claques. J'espère que tu vois tout de même que tu fais mon bonheur, que dans cette vie pourrie, moi je t'aime avec ardeur. C'est juste une petite chanson que je chante en ton honneur. C'est juste une petite chanson où j'ai balancé mon cœur, pour que tu prennes ma main, pour que tu crois en nous, pour que tu vois que demain sera la force de notre amour. On part, sans la vie qui nous dévore, allons vivre notre histoire. La musique, l'amour, oublieront les ennuis. Allez, viens, on part. Je te montre mon paradis. Allez, viens, on part. Laissons la vie qui nous dévore, allons vivre notre histoire. La musique, l'amour, oublieront les ennuis. Allez, viens, on part. Ouvre les portes du paradis.